Laboratoire, centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique, est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 40. Alors toi, mon vieux Roger, qu'est-ce que tu racontes? Bah tu vois, je viens de tuer ça là, puis je suis en train de préparer tout ça pour remonter ça à la maison. Bah, tu vois un peu ce que c'est comme camelot, hein. Tu vois un peu ce que c'est comme marchandise, hein. Je te jure qu'avec ça, ils vont se régaler un peu. Bah, sans compter qu'elle est vraiment bonne, la petite Janice. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Au cours de ces derniers mois, les réseaux sociaux ont répandu une quantité d'images qui reflètent la cruauté des traitements infligés aux animaux de boucherie dans certains abattoirs. Et la presse s'en est fait largement l'écho, tout comme les télévisions et Internet. Les réactions suscitées ne portent pas seulement une indignation devant d'inutiles maltraitances infligées aux bêtes concernées, elles révèlent aussi l'essor actuel du mouvement végétarien dont les racines sont lointaines. Benoît Descamps, mon invité ce matin, docteur en histoire, a consacré de nombreux écrits à la place des bouchers dans la civilisation de notre Moyen-Âge, une place spécifique qui se définit à la rencontre de diverses préoccupations. Au premier chef, celle de la nourriture des grandes cités, qui furent spécialement exigeantes à cet égard, semble-t-il, après les grandes épidémies. Mais on constate aussi l'omniprésence du souci de l'hygiène alimentaire, selon les normes du temps, entre le sang et les ordures. Le nôtre a changé de nature, mais non pas d'intensité. Sans compter l'inquiétude politique à hauteur municipale et nationale que peut susciter, aujourd'hui comme jadis, l'influence des bouchers dans la marche des affaires publiques. Une influence qui, au Moyen-Âge, s'exaspérait lors des dissensions intestines allant jusqu'à la guerre civile, ce groupe de pression, comme nous dirions aujourd'hui, manifestant régulièrement sa puissance. Les louchébem de la rue Madeleine sont des tueurs à la hauteur de l'éducation, de la distinction. Ça, ils en ont comme des seigneurs. Moi qui travaille à la sauvette, à l'entrée des bouches de métro, quand je les rencontre à la Villette, moralement je leur tire mon chapeau. En fumant une gauloise commune, on cause, on rit, et moi je m'instruis. Aux abattoirs, j'y suis venu tard, mais la boucherie, ça m'a conquis. Un jour, je quitterai ma pacotille pour suivre un de ces bons costauds qui ne font pas un métier de fille et à qui on tire son chapeau. Tuer des grosses bêtes et des petites bêtes, dans le fond c'est bête, je crois que ça m'embête. Tant pis pour moi, dans mon travail, je serai la terreur du bétail. Et quand je serai plus aussi alerte, j'irai dans l'administratif. Je prendrai ma retraite à la Villette, dans une usine de corned beef. Benoît Descamps, bonjour. Bonjour. Vous venez d'entendre, avec tous nos auditeurs, une chanson qui s'intitule « Les louchébem », en verlan les bouchers, une chanson de Jean Bouchetti et de Jean Paredes, interprétée en 1959 par Colette Chevreau. Ça ne s'invente pas. Non, tout à fait. On trouve encore les stéréotypes qui traînent depuis fort longtemps à propos du métier des bouchers. Virilité, voilà, puissance. L'hérédité, la puissance. Personnelle et sociale. On parle de costauds, on parle de d'hommes qui ne sont pas des filles, qui ne font pas un métier de filles. Et de fait, c'est un métier qui est très masculin, en tout cas pour toute une partie de l'activité des bouchers. Il y a cet aspect de tuer des bêtes qui place la question effectivement sous le signe de la violence. La mort et le sang sont toujours omniprésents. Voilà. Et puis ce très beau jeu de mots sur seigneur, seigneur, hein, qui sont effectivement ceux qui font couler le sang, mais en même temps ont une position assez éminente dans l'espace de la société urbaine. Seigneur S-E-I et S-A-I. Tout à fait. Nous allons donc avoir à nous interroger ce matin sur la place de la boucherie, des bouchers dans les sociétés successives et notamment au Moyen-Âge, qui est votre période de prédilection. Il y a tout un ensemble de dimensions de cette question. Je pense naturellement à l'aspect sanitaire. Il y a l'aspect éthique, nous le voyons bien aujourd'hui avec les protestations que j'ai évoquées en commençant. Il y a bien sûr le plaisir du goût gustatif, c'est une histoire du goût aussi, l'histoire de la viande. Les aspects économiques, les aspects sociaux, les aspects politiques, n'en jetez plus. On aperçoit parfois une dimension qui est presque religieuse quand on remonte loin en arrière, quand on remonte en particulier à l'antiquité grecque. Le magueros est un personnage qui a des fonctions différentes. Il a des fonctions proprement religieuses. À une époque où, dans l'Antiquité, on consomme la viande de manière tout à fait exceptionnelle, d'une part, et puis par ailleurs, dans un contexte de partage religieux en plein sens du terme, puisque c'est des viandes qui sont consommées de manière communautaire et dans une notion de sacrifice où l'animal est quelque chose de précieux et où le vivant, chez les Grecs, mettre à mort est une chose qui n'est pas du tout anodine. Mais dans le fond, on s'en aperçoit avec les affaires que vous évoquez toutes récentes. Tuer un animal, ce n'est jamais anodin. Dans l'Antiquité, les athlètes ont le droit de manger beaucoup de viande pour nourrir leur force, leur énergie. Voilà. Alors, en même temps qu'il y a une angoisse, une anxiété vis-à-vis de faire couler le sang, il y a une très forte valorisation de la viande qui perdure de manière assez longue et on est peut-être entré dans une ère nouvelle avec la revendication au contraire d'un régime végétarien qui serait supérieur spirituellement à celui d'une consommation carnée qui a un côté un peu plus animal. Mais enfin, c'est évidemment le Moyen-Âge qui nous intéresse le plus directement aujourd'hui, c'est d'ailleurs votre période de prédilection, Benoît Descamps, et en particulier ce moment du XIIIe et XIVe siècle dont la connaissance est très, très stimulante. C'est à la fois le moment de la guerre de Cent Ans, le moment de la Grande Peste. Nous allons trouver là beaucoup des ingrédients propres à définir la problématique de notre sujet. La première chose qu'il faut peut-être préciser à propos des bouchers au Moyen-Âge, c'est que, pour bien faire la différence avec l'écho d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement un artisan qui vend de la viande, comme c'est le cas aujourd'hui, mais qu'il a des compétences extrêmement larges. D'abord, en aval de son activité de tueur et de découpeur de viande, il y a ce qu'on appelait encore il y a peu de temps le cinquième quartier, ce qu'on appelle les coproduits, le suif, les os, le sang, parfois ingérables, mais pas systématiquement, et qui le mettent en lien avec un grand nombre de métiers artisanaux ou presque proto-industriels à l'échelle d'une grande ville comme Paris. Oui, ils sont parcheminiers, tanneurs, artisans de la corne, du cuir, tripiers, rôtisseurs, et puis vous le disiez, fabricants de suif. Or, le suif est très mal vu à l'époque parce que cela sent très mauvais. On trouve déjà cette dimension de notre sujet, c'est-à-dire l'odeur, les miasmes, chers à Alain Corbin. Beaucoup d'affaires dans lesquelles les bouchers sont mêlés sont liées à cette fonte du suif, à laquelle, pour des raisons financières, ils sont extrêmement attachés, mais qui, bien sûr, dans un cadre de forte densité urbaine, pose de nombreux problèmes. Ça sent très mauvais ? L'odeur du suif est une odeur quand même très prenante. Alors j'imagine, pour l'avoir senti à petite quantité, j'imagine sur des quantités assez industrielles, la gêne que ça occasionne, et de nombreux procès leur sont faits à cause de cette activité qui gêne le voisinage, dans le fond. Les chandelles qui sont fabriquées à partir du suif sont vendues chères, donc ? Alors, elles sont vendues pas tellement cher, c'est beaucoup moins cher que la bougie faite de cire, mais c'est un produit de très grande consommation et qui, par la quantité concernée, bien sûr, représente un revenu non négligeable. Il y a aujourd'hui 263 abattoirs en France qui traitent 3,45 millions de tonnes de viande, 5 millions de bovins, 23 millions de porcs, 4 millions d'ovins et 17 000 équidés. Nous reviendrons sur la question des chevaux. Dès le 15e siècle, on peut voir qu'on mangeait beaucoup de viande. Gilbert de Metz, que vous citez dans sa description de Paris, début du 15e, rapporte qu'on mangeait à Paris, chacune semaine, l'une parmi l'autre comptée, 4000 moutons, 240 bœufs, 500 veaux, 200 pourceaux salés et 400 pourceaux non salés. C'est beaucoup. Il écrit donc à la fin du 14e siècle, hein, début 15e siècle. C'est sans doute un moment de notre histoire où la consommation carnée est la plus importante pour des questions diverses. D'abord, suite au phénomène de la grande peste qui, en diminuant d'un tiers la population européenne, a libéré un certain nombre d'espaces ruraux qui ont été du coup consacrés à l'élevage, et un élevage qui du coup devient un élevage véritablement spéculatif. Ça correspond par ailleurs au même moment à une reprise de croissance des villes. La consommation carnée qui est associée à une consommation plutôt luxueuse, plutôt urbaine, fait la fortune des bouchers. Certains ont avancé l'idée que la grande peste de 1348 aurait provoqué parmi les populations une réaction qui n'aurait pas été seulement liée à la quantité offerte, mais une sorte de besoin biologique de manger de la viande. Est-ce que c'est complètement farfelu ? Ça ne me semble pas farfelu. En tout cas, on l'observe par l'augmentation du nombre des bouchers dans les villes, en particulier donc, sur le cas que j'ai le mieux étudié sur Paris. C'est un groupe qui véritablement apparaît, même si son existence en tant que métier plus ou moins organisé remonte à beaucoup plus loin. Quoi qu'il en soit, le roi Charles VI, dans des lettres publiées en octobre 1416, écrit que la viande est une marchandise, je cite, « dont notre peuple se peut le moins passer après le pain et le vin ». C'est une formule qui fait promotion de l'alimentation carnée. On pourrait l'écrire en épigraphe devant beaucoup de nos boutiques de boucherie. Aujourd'hui, effectivement, où le végétarisme semble être en plein essor, ça ferait plaisir à beaucoup d'artisans bouchers, c'est certain. Cette communauté devient florissante dans le cours du XIVe siècle, mais c'est en fait presque une institution qui est, sur Paris en tout cas, beaucoup plus ancienne. Les premiers textes d'ordonnance que nous avons datent de 1162, et elle se présente pourtant déjà à l'époque comme une confirmation de privilèges encore plus anciens. L'un des articles de ce texte précise que les bouchers de Paris peuvent vendre et acheter des bêtes vivantes ou mortes et tout ce qui concerne les bouchers sans payer aucune coutume ou péage dans l'espace de Paris et sa banlieue. Ils ont également le droit de vendre du poisson de mer et du poisson d'eau douce. C'est pour répondre à une contrainte importante, la seule véritable contrainte alimentaire à caractère religieux de la période médiévale jusqu'à l'époque moderne, voire au-delà, l'interdiction, le vendredi et en période de carême, de consommer de la viande. Donc il reste cette composante religieuse que nous effleurions tout à l'heure en parlant de l'Antiquité grecque. Voilà. À cet égard, je vais vous faire entendre un propos d'un ethnologue, Jean-Pierre Laurent, qui évoque son grand-père boucher dans les nuits magnétiques d'Irène Omelianenko. On est sur France Culture le 25 mai 1991. L'émission s'appelait « Sacrifice ou tuerie ?» Sacrifice religieux ou tuerie dans les abattoirs. Écoutons Jean-Pierre Laurent et puis je vous demanderai de réagir ensuite, Benoît Descamps. Dans sa jeunesse, il avait tué des bêtes et il adorait je l'ai connu à une époque où il ne faisait plus du tout ça, et je me souviens tout à fait de ses gestes personnels avec les animaux. Il aimait beaucoup les animaux, et quand il parlait de l'époque, on lui avait posé la question aussi, mais si ça lui faisait quelque chose de tuer les bêtes comme ça, il y avait à travers le geste de tuer les bêtes, il n'a pas utilisé le mot sacrifier, mais dans ses gestes, il avait des attitudes qu'on aurait pu penser être plutôt des attitudes de guerrier. Je crois ces bouchers anciens qui tuaient eux-mêmes leurs bêtes, qui la dépouillaient, donc qui avaient tout le côté terrible, il faut bien dire, qu'il y a dans la mort, et qui étaient confrontés à ça, traitaient ensuite la bête comme une sorte de personne, en fait. Et on choisissait, on découpait en fonction d'une sélection, et on mangerait soi-même que le produit, pas de n'importe quelle bête, mais qui avait été non pas abattu rituellement, puisque ça c'est disparu de nos sociétés il y a fort longtemps, mais pas abattu n'importe comment. Et c'est un aussi des aspects des transformations des rites. Est-ce que le monde moderne n'a pas à partir du moment où ça suppose une certaine stabilité, n'a pas transformé des rites et créé lui-même ses propres rites. Et tout ce qu'on a découvert avec l'abomination des abattages modernes, des abattages industriels, des poulets en batterie et autre chose, c'est qu'en fait, l'homme qui tuait il y a 100 ans était beaucoup plus proche d'une conception chamanique que la conception industrielle moderne. Et cette attitude, et là, on a beaucoup à apprendre avec ça. Ce propos date d'un quart de siècle. Mm-hmm. Et je ne suis pas sûr qu'il aurait été énoncé de la même façon aujourd'hui, quand ce qu'il dit qu'il n'y a pas de rituel dans la tâche des bouchers, puisqu'aujourd'hui, la société française est confrontée à la grande question de l'abattage halal ou des principes cachers, qui précisément remontent très très loin en arrière. Est-ce que dans votre Moyen-Âge, Benoît Descamps, l'Église imposait des principes? Est-ce que c'est une naissance nouvelle, un rebond par rapport seulement à l'Antiquité? Disons que s'il y a des pratiques religieuses autour de l'alimentation, l'abattage n'est pas ritualisé. Bon, sauf pour les communautés juives, mais sur la période sur laquelle j'ai travaillé, les communautés juives sont absentes, de Paris, ou en si faible minorité que j'ai pas pu les rencontrer, les étudier sous cet angle. Il y a, si on veut voir la situation actuelle, il y a, à mon sens, un double retour du sacré de l'animal. Sacré au sens de pratique traditionnelle liée à l'islam ou au judaïsme, qui, c'est un paradoxe d'ailleurs, saigne les animaux pour justement en supprimer les éléments vivants, ce qui est le plus associé à la vie, à la sacralité de la vie, alors que justement elles sont aujourd'hui dénoncées comme cruelles, inhumaines. L'autre sacralité de l'animal, c'est, parfois avec les dangers dans l'anthropomorphisme, la considération de l'animal comme un être très proche de l'homme que l'on ne peut plus certainement tuer et encore moins gérer. Alors, je vous ramène à ces bouchers du Moyen-Âge pour voir avec vous de quoi est faite leur situation sociale. En gros, il y a une ascension, mais elle est difficile et elle est contrariée. Le métier est jugé nécessaire pour répondre, vous le disiez, à ce régime de plus en plus carné, mais il reste vil entre l'argent et le sang. Il y a là une dialectique qui mérite d'être considéré, qui peut avoir quelques échos aujourd'hui. La fortune qui est faite, on l'a dit tout à l'heure, par l'augmentation de la consommation carnée. Il y a aussi le fait que c'est un métier quand même qui relève d'une certaine technicité. L'art de l'abattage et de la découpe, c'est particulièrement des grosses bêtes, comme le disait la chanson de Colette Chevreau, ce n'est pas à la portée du premier venu. Mais effectivement, ça reste un métier vil, méprisé. On pourrait faire un parallèle avec une situation actuelle en Inde, par exemple, où on voit certains individus issus de certaines castes qui font fortune dans des métiers, des professions, parce qu'ils sont justement interdits aux autres. Jacques Le Goff, qui établissait la liste des métiers licites et illicites en s'appuyant sur les canons synodaux, souligne l'évolution. Cette liste, elle est changeante entre le haut Moyen-Âge et la fin du Moyen-Âge, mais il souligne à chaque fois la constante de l'exclusion du métier de boucher, qui cumule à la fois le tabou du sang versé et puis aussi un certain tabou de l'argent, dans la perspective judéo-chrétienne de la dépréciation de l'enrichissement, et en particulier d'un enrichissement qui serait trop rapide et du coup qui devient par lui-même ignoble. Le sang, l'ordure, l'argent, la sédition aussi, les discordes, mais ils y reviendront tout à l'heure. Pour l'heure, il y a en effet un contraste, et le rapprochement avec l'Inde est tout à fait parlant, un contraste entre ce mépris envers cette profession spécifique, beaucoup plus par exemple que pour les drapiers ou pour d'autres métiers, et d'autre part, l'émergence d'un groupe d'hommes de plus en plus riches, l'émergence d'une profession qui, grâce aux privilèges en particulier, s'affirme dans la société, avec en particulier l'hérédité d'un certain nombre de familles très riches, je pense au Tibère, au Cinction, au Ladehors, au d'Auvergne. Le plus curieux, c'est que ces bouchers jouent parfois de cette image du mépris. Ils le retournent à leur profit. Voilà, je pense en particulier à une affaire qui a lieu au milieu du XVe siècle, où un bourgeois de Paris tente de se lancer dans le commerce du lard. Alors, peut-être à une échelle qui dépassait l'activité domestique, et donc il se retrouve au procès en Parlement face au boucher, et qui lui rappelle que ça ne sait point à un homme de sa condition de se livrer au métier de boucher. Sur quel mode ironique, il est difficile de le savoir, le texte n'a pas le son. On joue de cette image, on ne peut pas être bourgeois de Paris, homme d'un certain rang, et se livrer à cette pratique. Il y a de surcroît la critique de la pollution. C'est une activité polluante avec les heures dures, ce qui nous amène à la question de la manière dont on peut organiser l'approvisionnement en viande dans ce régime de plus en plus carné. Cette obsession médiévale pour la sécurité alimentaire et pour une chair bonne et suffisante qui satisfasse à la fois la diététique et la gastronomie, et cela est évidemment très actuel. Mais auparavant, je vous propose un texte bref qui situe une sorte de chromatisme de la viande sous notre regard. C'est un texte d'Italo Calvino, extrait de Monsieur Palomar, un extrait de l'émission regrettée de René Elkaïm Bollinger, de Bouche à Oreille, le 11 avril 2004. C'est une lecture de Frédéric Cantrel. La file des clients s'écoule lentement le long du haut comptoir de marbre, le long des étagères et des plateaux où sont alignés les morceaux de viande. Dans chacun est planté un écriteau qui annonce le prix et le nom. Le rouge vif du bœuf, le rose clair du veau, le rouge blême de l'agneau, le rouge sombre du cochon se succèdent. Rougeois de larges côtes, des tournes d'eau ronds à l'épaisseur garnie d'un ruban de lard, des faux filets souples et lancés, des biftecs armés de leurs poignées d'os, des gîtes à la noix massifs et entièrement maigres, des pot-au-feu avec leurs strates de maigre et de gras, des rôtis attendant la ficelle qui les obligera à se concentrer sur eux-mêmes. Puis les couleurs s'atténuent, escalope de veau, longe, morceaux d'épaule et de poitrine, tendrons. Voici que nous entrons dans le royaume des gigots et des épaules d'agneau. Plus loin, le blanc d'une tripe, le noir d'un foie. Italo Calvino, Palomar. Il y avait déjà, Benoît Descamps, cet éventail admirable et propre à faire saliver les gourmets de viandes offertes au Moyen-Âge. Alors c'est très difficile à dire parce que, en gros, pour connaître ce qu'il y a sur l'étal, on dispose grossièrement de deux types de sources. Les sources réglementaires qui disent beaucoup de choses, mais finalement très peu ce que l'on vend. Plus, je dirais, la boucherie est réputée, plus on fait confiance à la communauté qui la dirige et moins on a à préciser ce qui est permis ou interdit de vendre, a fortiori encore moins à décrire ce qu'il y a sur l'étal. L'autre source qui nous permet d'en savoir un peu plus, enfin qui m'a permis d'en savoir un peu plus, c'est un registre assez exceptionnel, le registre judiciaire de la Grande Boucherie de Paris, qui là décrit plus quotidiennement le travail et donne parfois quelques éléments sur les morceaux de viande, on va dire. Mais dans le fond, ça reste souvent très allusif. Ce sont des professionnels qui jugent entre eux de questions de conflits professionnels et dans le fond ils n'ont pas non plus une nécessité à décrire ce qu'ils vendent. On s'en remet en fait assez peu à la justice, sauf quand elle même intervient, et la corporation préfère le plus souvent possible régler ses conflits à l'intérieur d'elle-même. Oui, et je pense que tous les bouchers auraient préféré. La situation des bouchers de la Grande Boucherie de Paris est quand même tout à fait exceptionnel. Le registre est exceptionnel, mais leur situation est exceptionnelle aussi dans la mesure où ils bénéficient, et c'est sans doute le plus fort de leurs privilèges, et on en reparlera, le plus contesté et celui qui mène aussi au conflit, c'est celui de posséder en presque totale autonomie une justice sur les activités du métier, et ils ont tendance au XVe siècle à élargir leurs ressorts et leurs compétences. Vous évoquez la Grande Boucherie de Paris. De quoi s'agit-il en fait? Comment est-elle située à l'intérieur de la cité où il y a déjà 200 000 habitants? C'est voilà. La plus grande cité probablement de l'Occident. Quel est l'emplacement de la boucherie? Avec le débat de savoir si elle doit être de la périphérie ou au contraire au centre. Et on trouve déjà le passage récent chez nous des halles de Baltard jusqu'à Rungis. Raoul de Presles, qui dans sa description de Paris au XIVe siècle, rappelle que dans les temps premiers de l'urbanisation, on faisait et les boucheries et les cimetières hors des cités pour empêcher les puanteurs et les corruptions, et confirmé effectivement par la localisation initiale de cette grande boucherie qui se situe sur la rive droite, juste devant le Châtelet, un endroit d'ailleurs qui s'appelle la Porte de Paris. Elle est tout proche de l'église Saint-Jacques, dite de la boucherie, dont reste uniquement la tour gothique flamboyant, hein, qui reste quand même un repère important. Dans la partie nord de la place du Châtelet, se trouvait donc au débouché de la rue Saint-Denis, d'abord une grande halle. Une halle qui n'a cessé d'augmenter au cours du Moyen-Âge jusqu'à devenir un élément assez monumental avec des hauts et des bas, un monument qui a été construit, détruit, puis reconstruit. C'était le lieu où on faisait commerce des bêtes. C'est l'endroit où on vendait les morceaux taillés et découpés. On peut dire que cette tour qui est encore là, admirable, témoigne avec un éclat considérable de la prospérité de ces bouchers à l'époque. Oui. C'est placé initialement en dehors de la cité, donc l'espace le plus dense, mais un petit peu à l'instar de ce qui s'est passé avec les gares parisiennes, hein, placées elles aussi en périphérie, la croissance urbaine a rattrapé ces établissements, et que ce soit la Grande Boucherie de Paris ou les autres installations dans l'espace parisien qui ont toujours été initialement placées en bordure, je pense en particulier à la Boucherie de Saint-Germain qui était entre le bourg et les fossés du rempart de Philippe Auguste, qui finissent par être englobés là aussi dans l'extension du faubourg. Pour le site de la Grande Boucherie de Paris, il y a en fait deux éléments. Il y a cette grande halle qui se trouve face au Châtelet, et puis entre cet espace et la rue des Arcis, c'est-à-dire cette rue qui continue la rue Saint-Martin, un espace où sont installées d'ailleurs les maisons des bouchers, mais qui est appelé l'écorcherie, l'espace où sont tués et abattus les animaux. Parce que l'expression boucher est relativement tardive, on disait écorcherie pendant longtemps. Le mot boucherie est relativement tardif, mais en fait l'écorcherie est proprement le lieu d'abattage et qui donne sur la Seine, ce qui est un moyen assez pratique en tout cas au tout début pour évacuer les déchets issus de l'abattage. Un grand débat comme aujourd'hui. Est-ce que l'on doit élever et abattre l'animal dans la ville ? On découvre qu'il y a encore beaucoup de cochons qui sont élevés à l'intérieur des remparts et que cela suscite évidemment beaucoup de protestations chez de nombreux habitants. L'odeur, la pollution, là encore, oui. Et puis les cochons qui s'échappent et qui vont tout abîmer, tout renverser. On a du mal à imaginer aujourd'hui, mais Paris, même si elle est l'une des plus grandes villes d'Occident, a des aspects encore, on va dire, ruraux. J'évoquais tout à l'heure Saint-Germain-des-Prés, qui est encore au 14e et presque 15e siècle, un bourg semi-rural, on va dire. Les animaux sont très présents dans la ville. Il y a d'abord ceux qui sont élevés. Alors, pas vraiment élevés en ville, c'est le cas des porcs, c'est plutôt dans ces bourgs suburbains. C'est là où on trouve effectivement le plus grand nombre de plaintes de ces porcs qui sont en errance, rentrent dans les maisons, dévorent... Les enfants, parfois. Les enfants, très exceptionnellement. Et quand ça se passe là, ça se termine très mal pour le pauvre animal. Hein. On a un exemple en 1317, Montmorency. La fameuse histoire de la truie qu'on juge comme un humain, voilà, c'est ça ? Qui est jugée finalement et mis sur les fourches patibulaires à Noisy. Elle avait, celle-ci, dévoré la joue d'un enfant et elle est jugée effectivement comme le pourrait être un être humain. Il y a donc une hominisation, si je puis dire. Il y a un regard, c'est comme si on la constituait en être humain. Oui, et dans le discours de l'ethnologue que nous avons entendu tout à l'heure, il y avait cette idée qu'il y a une proximité plus proche de l'animal à l'époque médiévale, alors qu'on est peut-être en train de retrouver, c'est possible, mais en tout cas qui a subi un éloignement par le phénomène de l'industrialisation aussi de l'abattage. La sortie des abattages du centre des villes explique pourquoi les cochons s'échappent désormais à la campagne. En voici un. C'est l'interview d'un boucher de la Creuse, toujours dans l'émission d'Irène Omelianenko que je citais tout à l'heure. Oui, il y avait une espèce de respect de l'animal aussi, finalement. Ah, ben c'est sûr, c'est sûr. Bon, il y a déjà des bêtes qui devenaient furieuses, des bêtes qui avaient mauvais caractère. Alors, le transport en bétaillère, déjà, ne les amusait pas. Ensuite, arrivé à l'abattoir... Les bruits de l'abattoir et l'odeur du sang, parce que ça a une odeur, là, un abattoir, finissaient de les rendre folles. Et dès qu'on défaisait tant soit peu la corde, qui les retenait, hop, elles s'échappaient. Et il fallait faire appel à la gendarmerie pour venir les tuer avec des fusils. Hein. Parce que dans l'abattoir, toutes les portes étaient bonnes pour se mettre derrière. Sinon, hein. Dès qu'elles voyaient quelqu'un, elles chargeaient. Et bon, il n'y a jamais eu d'accident, mais il aurait pu y en avoir. Hein. C'était vraiment pire que les taureaux de combat, là. Et puis, bon, eh bien, l'anecdote du cochon, oui, ça s'est passé à un moment où on tuait 3-4 porcs à la suite, quoi. Et il y en a un qui attendait son tour, et puis tout en réfléchissant, puis d'un seul coup, il s'est lancé dans les marches et qui descendait dans l'abattoir. Il a pris la porte vite faite. Il est sorti de l'abattoir à la course, il y a la rivière à côté, il a plongé dedans, il a taillé son crawl jusqu'au pont du chemin de fer qui avait un peu plus loin. Nous, on l'a suivi pour essayer de le rattraper, parce qu'un cochon, c'est une certaine valeur. Quand il nous a vu arriver, ce qui s'est arrivé sur le bord, il a replongé, il est repassé de l'autre côté. Alors, on est repassé sur le pont du chemin de fer, on était de l'autre côté. Là, il s'était réfugié dans un massif de, d'orties et puis de ronces qu'il y avait au bord de l'eau. On l'a assommé comme on a pu, on l'a tiré, on l'a saigné évidemment, et puis on l'a ramené dans une brouette de l'abattoir où on mettait les viscères, après toute une péripétie. Quoi. On aurait pu, Benoît Descamps, imaginer un épisode de ce genre dans votre Moyen-Âge tardif. Oui, à plus d'une reprise, les animaux s'échappent. C'est une histoire récurrente dans l'histoire de cette boucherie qui s'installe au centre de la ville. Oui. Louis-Sébastien Mercier évoque aussi des bœufs qui s'échappent. Là, au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, et qui provoquent la panique. Et j'ai moi-même observé effectivement des épisodes tout à fait identiques à celui qui est raconté là ou par Louis-Sébastien Mercier. Il y a d'ailleurs un membre de la famille royale qui en est mort, tué par un cochon indirectement. Et Michel Pastoureau en a fait récemment un livre remarquable. Le roi tué par un cochon. Le roi tué par un cochon. Quoi s'agit-il ? Un porcus diabolicus. Eh bien, c'est une très triste histoire, puisque en 1131, le fils de Louis VI, donc celui qui aurait dû régner à sa suite, se promenant dans Paris, un cochon se glisse entre les pattes de son cheval et provoque la chute du jeune Philippe qui meurt des suites de cet accident. Il arrive aujourd'hui que certaines voitures, y compris officielles, se heurtent à des sangliers, mais je n'ai jamais vu un président de la République cogner un porc du côté des Champs-Élysées. C'est pas souhaité. Ça aura une conséquence pour l'élevage intra-urbain, puisque à partir de ce moment-là, la circulation des porcs dans Paris est interdite, à l'exception notable des porcs de Saint-Antoine, qui doivent circuler avec une petite clochette autour du cou, en référence à l'animal qui avait accompagné le saint dans son expérience du désert. Et du même coup, se pose la question du long chemin qu'on fait faire aux animaux vers les lieux d'abattage, si ceux-ci restent dans la capitale. Est-ce que cela les affaiblit, problème de qualité de la viande, problème sanitaire également, ou bien est-ce qu'on les amène morts, ce qui pose d'autres questions? Voilà, dans la question de l'emplacement qui est toujours compliquée, il y a cette tension constante entre trois impératifs. Le lieu doit être accessible au bétail, qui doit venir à pied, on va expliquer pourquoi. Il faut être en même temps proche des clients, que les clients non plus n'aient pas à faire un trop grand chemin pour s'approvisionner à l'étal. Et puis troisième impératif, la tuerie qui doit être aussi proche de l'espace où l'on vend, mais qui pose des problèmes de pollution, d'encombrement et de gêne pour les voisins, les riverains. Alors la raison pour laquelle on tient à ce que l'animal vienne à pied jusqu'à l'abattoir, qui se situe donc souvent dans un espace dense de la ville, c'est que c'est finalement le meilleur moyen de vérifier l'état de santé de cet animal. L'époque médiévale est privée de l'inspection vétérinaire et dans le fond, voir l'animal arriver sur ses quatre pattes est la garantie assurée que c'est une bête en bonne santé. Dans d'intéressants règlements qui sont émis dans Lyon en avril 1415, on voit ceci très clairement dit. Le troisième article interdit l'abattage, je cite, « d'aucune bête grosse ni grêle qui soit entachée de mal de sein, de gouttes, de gros mal, de mal mort, de rage, de glaire, de bosse, de brisure de jambes ou autre maladie, fort seulement, c'est-à-dire à l'exclusion seulement, de la dite brisure qui n'aurait pas plus d'une nuit et d'un jour. Si on a cassé un os seulement depuis 24 heures, c'est permis. » Voilà, c'est bien une question d'avoir une bête qui soit pas encore affaiblie par sa blessure, donc qu'on puisse la tuer, si je puis dire, en bonne santé. Mais là, il n'y a pas de souci de protection ou de défense de l'animal, de maltraitance de l'animal. Ça n'est pas présent dans les psychologies du moment, comme ça peut l'être aujourd'hui, à partir de l'observation des vidéos qu'on nous a largement dispensées et qui sont assez sinistres. Jusqu'à une période assez récente, ces images dont vous parlez présentaient surtout d'ailleurs l'arrivée de ces animaux, les conditions. Les images à l'intérieur de l'abattoir sont relativement récentes. Caméra cachée. Voilà, pour des raisons sans doute technologiques, mais peut-être qu'il y avait aussi un barrage psychologique. L'article que j'avais paraître il y a quelques années sur Fenêtre sur abattoir partait justement d'un reportage où on dénonçait l'arrivée de ces animaux maltraités à l'entrée de l'abattoir et d'animaux qui étaient visiblement blessés. C'était cet aspect-là qui était dénoncé. Sans cette forme de cruauté avant même que l'on entre dans l'abattoir. Il reste que le métier de boucher, à l'époque, au Moyen-Âge comme aujourd'hui, est d'abord fait d'un coup d'œil, d'une capacité de choisir la bonne viande. Il y a des viandes interdites qui sont suspectes, avec des goûts différents. Est-ce qu'on aime la viande jeune? Est-ce qu'on l'aime au contraire ayant un peu de temps derrière elle, si je puis dire? Il me semble, Benoît Descamps, qu'on peut dire qu'à l'époque comme aujourd'hui, il y a une hiérarchie. Des viandes interdites, celles qui au contraire sont célébrées par les consommateurs et par les bouchers, avec des goûts qui varient, viande jeune, viande déjà plus mûre. Oui, pour qualifier la viande de boucherie, la première distinction opérante, c'est l'âge d'un animal abattu, qui révèle bien sûr une stratégie dans la gestion du cheptel. Après la peste noire, on observe globalement un rajeunissement des animaux abattus. La fin du Moyen-Âge, comme l'a montré l'archéologie, est sensible à cette question. Et en même temps, une chose qui nous est commune, on passe d'une période où on consommait presque uniquement les animaux de réforme, à une période... De réforme, c'est-à-dire ? Donc les animaux qui avaient, après une longue vie passée au champ, terminent leur carrière dans les assiettes. S'introduit à ce moment-là, effectivement, une modification, et que plus la table est élégante, plus le niveau social est élevé, plus on est en recherche de ces animaux jeunes. Ce qui est plus spécifique à la période médiévale, c'est la question du sexe de l'animal. Dans le sens où, dans les statues, on a une plus grande suspicion pour un animal, par exemple une femelle qui vient de veler, une femelle qui est en chaleur. Et les statuts précisent qu'il faut la laisser reposer et que dans le fond, on considère que cette activité sexuelle est nocive pour la qualité de la viande. Et dans le fond, on a ainsi une hiérarchie des viandes par catégorie d'animal, mais peut-être encore plus fortement selon ces critères d'âge et de sexe. Ce qui frappe dans ces législations, dans le fond, c'est que ce qu'on appelle la chair déloyale, qui ne correspond pas à la loi, qui ne correspond pas à cette qualité... Illégale, nous dirions. Voilà, illégale, n'est pas nécessairement une viande qui est infecte, avec un niveau de pourrissement. C'est une question aussi qui porte sur l'extrême qualité. Et d'une certaine manière, ces boucheries jurées dont nous avons les statuts et les réglementations se flattent de fournir une viande d'une extrême qualité. Et dans le fond, la supériorité de la grande boucherie de Paris tient à cette image de marque qu'elle tient à respecter sur ses consommateurs. Je dirais même presque jusqu'à aujourd'hui, dans la mesure où encore dans les écoles de boucherie aujourd'hui, on apprend à travailler de la manière parisienne, même si les écoutés et les professionnels ne savent pas toujours dire exactement ce qui les distingue de leurs collègues. Mais il y a cette idée, cette image de marque qui, dans le fond, a des racines très anciennes. Écoutez cette interview d'un autre boucher de la Creuse. J'en ai déjà fait entendre un, celui du cochon qui s'échappait. Un autre boucher de la Creuse à propos du choix de la bête. Également tiré de l'émission d'Irène Omelianenko de Nu Magnétique le 25 mai 1991. C'est mon prix. C'est votre prix. Eh bien, tant de francs, elle est vendue. Allez. C'est une bonne bête. Je la marque. Vous la marquez. Vous voyez que c'est des beaux animaux que l'on représente. Hein. Elles n'ont pas de gras, voyez-vous. Elles sont très bien nourries. Elles sont bien calibrées. Et je pense que la viande qui est en dessous sera tendre. Voyez-vous ? Vous lui avez touché le... Mais moi, je peux voir 10, j'ai m'a dit, je peux voir 50 animaux pour en acheter un. Hein ? Vous lui avez touché l'après de la queue ? Ça soit à l'œil. Elle est un petit peu vive, celle-ci. Hein. Celle-ci, elle est un petit peu vive. Celle-ci, oui, l'autre, il n'y a pas d'importance. Hein. Je les mets. Voyez-vous ? Il faut prendre un peu conscience. Il faut un cuir souple. Puis pas trop de gras sur les côtes. Parce que notre clientèle est parfois difficile. Hein. On a beau les choisir bonnes, il y a toujours des défauts. C'est gras ou c'est dur. On n'est pas de la viande. Elle a 5 ans, hein? Elle a 5 ans. Oui. Elle a pas 10 ans. À quel âge une bête est bonne? Une bête, elle a 4-5 ans. Une vraie bonne viande. C'est la meilleure viande. C'est la meilleure viande. La viande crue, qu'on appelle crue. Oui. Et vous, monsieur, la viande finie, quoi. Comment vous les élevez, ces bêtes? Parce qu'elles sont... Elles sont pas... On n'en mange plus beaucoup, des bêtes comme ça. Elles sont élevées naturellement. Ah oui. Un peu de maïs, de la farine. Du soja. Un peu de soja. Oui. La farine d'avoine et d'orge, mélange. Mais l'animal n'est pas du jour au lendemain, hein. Ah non, hein. Parce qu'il faut faire une bête comme ça, il y en a quand même pour 4 mois, 4-5 mois, hein. Ça vient pas. Les kilos, ils viennent pas tous les jours. Hein. C'est sûr. Enfin, je pense que c'est une bonne bête. Ça va nous rendre. Ça nous fera un bon repas et puis. Hein. Les pouvoirs publics sont conduits tout naturellement à contrôler cet approvisionnement pour des raisons à la fois sanitaires et puis pour des raisons économiques. Il ne faut pas que la viande soit trop chère car sinon on suscitera des émotions populaires. Voilà. L'angoisse des autorités publiques porte plus sur la quantité que la qualité, dans un premier temps, parce qu'il faut limiter la spéculation sur un approvisionnement qui serait trop rare. Et d'ailleurs, à Paris, autant en aval, les bouchers ont un rôle assez important, autant en amont de leur propre activité, ils ne touchent pas à l'élevage, ce qui se pratique par ailleurs plutôt en milieu rural. Je songe notamment au boucher d'Abbeville, un fabliau de Stache Damien, qui raconte justement les pérégrinations d'un boucher qui se promène pour trouver son bétail. Ça se passe pas à Paris. Le marché est au contraire très structuré. Il y a création des officiers royaux en 1393, fin du XIVe siècle, donc, qui sont chargés d'organiser cette circulation des bêtes vivantes ou dépecées. Qui sont des officiers royaux, même si, en regardant de près, on voit que ce sont souvent des gens issus de la boucherie, mais qui jouent le rôle d'intermédiaire entre les marchands de bétail, qui viennent parfois de fort loin, de Bretagne, d'Anjou, du Maine, pour alimenter le marché parisien, et les bouchers parisiens. Qui sont nécessité d'une inspection qu'on connaît encore aujourd'hui, mais qui a probablement changé de nature, non ? C'est plus une garantie financière qui est en cause à ce moment-là et afin d'assurer une fluidité du marché. Souci économique beaucoup plus que sanitaire. Oui, à ce niveau-là. Le souci sanitaire intervient ultérieurement et c'est le rôle justement fondamental de ces ce qu'on pourrait appeler presque une corporation, en tout cas d'un corps de boucher qui est expert et qui est reconnu pour son expertise pour surveiller la qualité de la viande. Parce qu'il y a forcément une angoisse dans ce siècle qui a été ravagé par les épidémies, je parlais de la peste tout à l'heure, une angoisse quant au risque qu'un traitement de la viande qui ne soit pas sain puisse entraîner des maladies épouvantables, non ? Oui, dans le registre dont je parlais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est extrêmement récurrent, hein, d'autant que dans le fond, en dehors de l'animal qui est visiblement malade à l'arrivée, il y a un certain nombre de déficiences de la viande que l'on n'aperçoit qu'une fois que l'animal est abattu. Et c'est là où les questions de couleur, d'œil, voilà, l'intérêt du texte d'Italo Calvino tout à l'heure, c'était de nous montrer justement ces couleurs, ces odeurs qui sont déterminants pour hiérarchiser ou en tout cas qualifier la bonne qualité de la viande. Est-ce qu'il y a dès ce moment-là un souci de transparence du marché, ce souci qui est si prégnant aujourd'hui? Il y a 2 ou 3 ans, on avait vu ce scandale d'une viande qui circulait à travers l'Europe et qui était destinée à fabriquer des lasagnes et où en fait on trouvait de façon indue de la viande d'équidée, de la viande de cheval. Alors, les scandales alimentaires existent bien sûr à l'époque. L'idée justement de concentrer les professionnels, c'est une des raisons pour lesquelles on rassemble dans un même quartier ou dans une même rue ces bouchers de manière à ce que les uns et les autres se surveillent. Et dans le fond, si l'abattage n'est pas public au sens où on le voit sur certaines miniatures, hein, l'animal n'est pas abattu au milieu de la rue, la tuerie est souvent un petit peu en retrait, ou comme j'expliquais dans le cas de la Grande Boucherie de Paris, dans le quartier de l'Écorcherie, mais il y a toujours ce regard public de voisins pour contrôler que l'animal est arrivé en bonne santé, qu'on n'a pas transporté des veaux qui sont étouffés par les chaleurs, comme ça, il y a quelques exemples tout de même, jusqu'à l'hôtel du boucher. Tous ces éléments-là permettent effectivement un contrôle de la qualité jusque à l'endroit, les chaudoirs ou la tuerie où l'animal est dépecé. J'aurais tant voulu être fonctionnaire, j'ai pas pu choisir, je suis né boucher. Comme l'étaient déjà mon père et ma mère, les grands couteaux c'est mon métier. Oh ma mère, que m'as-tu appris à faire des misères, même le vendredi. Oh ma mère, que m'as-tu appris à faire des misères aux fils des brebis. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Je voudrais, Benoît Descamps, que nous consacrions la dernière partie de cette émission consacrée à une évocation des bouchers au Moyen-Âge et à l'étude de leur influence. On ne peut pas parler d'une puissance véritablement sans contrôle. Je voudrais que nous occupions des relations entre ce corporatisme et l'État, et la raison d'État, les tensions qui ont pu survenir. Les bouchers en tant que tels ont joué un rôle très important dans la guerre civile, notamment entre les Bourguignons et les Armagnacs, qui a ravagé la France au tournant du XIVe et du XVe siècle. Je voudrais que vous évoquiez ce qui s'est passé. Il y a notamment la révolte fameuse de Caboche. Qui était ce Caboche ? Alors Simon le Coutelier, dit Caboche, est un écorcheur de vaches, un simple tueur des abattoirs, pas forcément une personnalité très importante dans la corporation des bouchers. Un homme qui va être un petit peu le bras armé d'une révolte populaire, d'une émeute antifiscale, comme le sont beaucoup de ces émeutes parisiennes à la fin du XIVe et début du XVe siècle. Et encore aujourd'hui, vous allez voir tout à l'heure une archive qui le démontre. Cet individu prend la tête d'une révolte qui est à la fois une contestation de pouvoir royal, soutenue d'ailleurs à la révolte cabochienne et soutenue surtout par le duc de Bourgogne, parce que tout cela se passe effectivement dans le décor, l'arrière-plan de la guerre de Cent Ans, d'une guerre civile opposant des partis à la fois profitent et surtout souffrent de la maladie du roi de France. Et dans le fond... Le roi de France qui est fou. Voilà, Charles VI. Dans ce contexte, les appétits sont grands. Disons-le très clairement, le duc de Bourgogne va instrumentaliser le peuple parisien pour prendre puissance. Et les émeutes qui secouent le pouvoir royal sont menées par ce Simon le Coutelier dit Caboche. Les bouchers choisissent les Bourguignons contre les Armagnacs. Voilà. Ils choisissent les Bourguignons contre les Armagnacs parce que, dans le fond, c'est une histoire sans doute un petit peu longue et qui remonte vraisemblablement à une révolte précédente, celle des Maillotins en 1382. Et c'est à partir de ce moment-là que le divorce entre une forme de pouvoir royal, et notamment celle que les ministres du roi Charles VI, qu'on appelle les Marmousets, mettent en place, avec une haute idée de la majesté royale, et déjà sans doute un embryon d'État qui doit s'imposer, qui doit lutter contre les particularismes, les privilèges. Et de ce point de vue-là, la justice dont je parlais tout à l'heure apparaît comme une sorte de verrue dans le paysage parisien, surtout qu'on est tout à côté de la prévôté de Paris, du Châtelet, qui essaye à ce moment-là justement de devenir le centre de la police urbaine de Paris, y compris dans le domaine économique. Pourquoi une verrue ? Alors, une verrue parce que, dans le fond, c'est une justice qui est concurrente. C'est une justice qui se veut autonome. Concurrente donc du prince. Concurrente du prince, concurrente plus directement de la justice du roi, que ces hommes jugent comme incontestable. Et c'est une question de monopole de justice, dans le fond. Dans cet affrontement, comment interviennent les bouchers qui prennent à ce moment-là un rôle politique qu'ils n'ont jamais connu depuis, même au temps où M. Drucbert ou d'autres s'efforçaient de peser sur l'État sous la 4e République. Oui, là, il y a un moment qui correspond à la fois à l'ascension sociale, économique en tout cas, des gens de ce métier, et en même temps des frustrations qui sont nées de ces limitations de leur autonomie et de leur pouvoir. D'ailleurs, après cette suppression des privilèges de la boucherie en 1382, il n'a pas fallu très longtemps au roi et à la prévôté de Paris pour comprendre qu'ils n'étaient pas capables de gérer au quotidien ces conflits et la gestion du métier. Et donc, dès 1388, leur justice leur est restituée. Mais dans le fond, cette difficulté à s'imposer demeure, tout d'abord en 1413, puis à nouveau en 1418, les violences urbaines sont guidées et menées par ces bouchers. Par ce garçon boucher en particulier. Et en particulier en 1413, par ce Simon le Coutelier dit Caboche. Comment est-ce qu'il finit, ce garçon ? Il va finir qu'au retour en 1416 des Armagnacs au pouvoir, il s'enfuit. C'est pas bon pour il s'enfuit pour avec le duc de Bourgogne. Il revient avec les partisans du duc de Bourgogne en 1418. Il y a toute une période d'alternance là, de pouvoir sur la ville de Paris. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que pour disqualifier l'ordonnance de réforme du royaume qui avait été mise en place par des parlementaires, des gens extrêmement sérieux, cette ordonnance cassée au retour des Armagnacs est qualifiée presque immédiatement d'ordonnance cabochienne afin de ravaler ce texte législatif très sérieux comme quelque chose issu de la violence populaire et de, parmi la violence populaire, la plus méprisée, celle des bouchers. Le nom de ce garçon boucher sert en quelque sorte à jeter l'opprobre ou le mépris sur ce texte spécifique. C'est tout à fait l'idée. Vous parliez des révoltes contre le fisc. Je vais vous faire entendre une archive qui remonte à octobre 1963. Il y a alors une grève des bouchers contre les mesures de taxation. On parle beaucoup du bœuf à l'époque. Il y a un ministre, François Missoff, un ministre du commerce intérieur, qui a lancé la formule « suivez le bœuf » pour pousser à une consommation et éviter que le bœuf ne coûte trop cher. Eh bien voilà, un reportage sur la grève des bouchers contre les mesures de taxation. Interactualité, 14 octobre 1963. Interactualité. L'Assemblée générale des bouchers de Paris, Seine et Seine-et-Oise a lancé cet après-midi à la mutualité le mot d'ordre de fermeture des magasins de vente au détail. Les boucheries rouvriront mercredi matin Ces mêmes bouchers ont décidé de ne plus acheter la viande de bœuf jusqu'à nouvel ordre en réponse aux mesures de taxation prises par le gouvernement. Mais malgré ce mot d'ordre de grève des achats, au marché de la Villette, aujourd'hui, la demande a été supérieure à l'offre. Conséquence de cette situation, une hausse des cours de 10 à 20 centimes par kilo. Il est vrai que les arrivages de bétail avaient sensiblement diminué de 30 à 40% environ. Cependant, les bouchers de la région parisienne veulent laisser une porte entrouverte à un éventuel compromis. Oui, ils ont décidé que les représentants syndicaux de la profession ouvriraient des négociations avec le gouvernement en vue d'obtenir la suppression de la taxation contre un engagement des bouchers à vendre certains beefsteaks au prix fixé par le gouvernement. Mais sur place, au palais de la Mutualité, nous avions cet après-midi un reporter, Frédéric Christian. Frédéric Christian, vous revenez sain et sauf de là-bas, mais je crois que vous avez eu chaud. En effet, tout a commencé déjà par l'expulsion des journalistes présents au meeting. Une poignée d'excités se sont rués vers nous et sans aucun ménagement nous ont jetés sur le trottoir. Selon les conseils d'un délégué syndical, nous avons attendu la fin du meeting sur le trottoir d'en face pour avoir quelques échos de ce qui s'était passé. Mais à la sortie, les bouchers déjà fort échauffés au début l'étaient encore bien davantage. Injures, journaux lancés faute d'autres projectiles, tel fut le lot de tous les représentants de la presse parisienne. Écoutez plutôt. C'était Caboche et les siens, Benoît Descamps, quelque chose comme ces hurlements, on les aurait trouvés dans votre Moyen-Âge, à la puissance 10, non ? Sûrement, oui, avec la même intensité, la même hargne, la même volonté de se protester contre à la fois les questions fiscales, ça apparaît nettement dans le reportage, il y a aussi des problèmes d'approvisionnement qui sont en cause. Les bouchers régulièrement d'ailleurs menacent de fermer leurs étaux et d'arrêter leur travail si on ne rend pas les privilèges qu'ils réclament. Étaux, c'est le pluriel d'étal, ça n'a rien à voilà. voir avec un étau. Au singulier. Oui, alors là, ça c'est le mot ancien, très joli, vieux, décrit comme vieux dans le dictionnaire, mais qui est omniprésent dans la documentation. Il peut d'ailleurs se faire que les bouchers réagissent de façon légitime lorsque les pouvoirs publics s'efforcent de les tondre. J'emploie exprès une expression qu'on peut appliquer parfois aux moutons. Et en même temps, il y a deux logiques qui s'affrontent. Il y a une logique, royale, étatique, qui vise à la fois assurer un bon approvisionnement, des prix qui soient raisonnables, et en même temps, je le disais tout à l'heure, une volonté de contrôler un métier qui prend parfois un peu trop d'autonomie. Et puis l'autre logique des bouchers, c'est celle d'avoir une professionnalisation, une spécialisation qui les rend de fait indispensables. Et une idée que seuls eux et leurs capacités et leurs connaissances peuvent assurer un approvisionnement de qualité. Voyez, donc on a presque cette opposition entre d'un côté la question de la quantité et de l'autre côté la qualité. Il me semble que c'est toujours parfaitement actuel. Le pont est évident et les revendications des bouchers artisans aujourd'hui qui revendiquent l'approvisionnement de bêtes élevées en plein air ou relèvent de la même logique dans le fond. Cet affrontement entre les bouchers du côté bourguignon et enfin avec les Armagnacs, puis avec les pouvoirs publics, avec Charles VI et ses ministres, va culminer dans un moment majeur qui est la destruction de la grande boucherie de Paris, une grande boucherie que vous décriviez tout à l'heure, Benoît Descamps, en mai 1416. Les motivations de ce choix sont intéressantes à démêler. Elles sont assez nombreuses. Alors il y a bien sûr ce qui est annoncé officiellement dans les ordonnances qui décident la destruction. Et puis il y a l'arrière-plan qui est plus ou moins lisible. Alors, premier rang et arrière-plan. Alors, au premier rang, le roi en 1416, donc, quand il ordonne la destruction de la grande boucherie, précise que c'est pour l'embellissement de la ville de Paris, que cette halle qui, et je l'ai dit tout à l'heure, situé au débouché de la rue Saint-Denis et devant le Châtelet, apparaît comme un bouchon, un espace encombré, et donc on veut détruire cet encombrement pour embellir ce qu'on appelle déjà comme l'une des plus belles places de la ville de Paris. Et quand on pense qu'on a détruit, c'était assez sinistre, les halles de Baltard, on est plutôt en discordance des temps. Voilà, on est dans cette perspective qui n'est pas qu'un prétexte, je pense, parce qu'il y a, dans la même période, une volonté de réflexion sur l'espace de la ville, que l'on veut plus aéré, plus fluide à la circulation. À côté de ça, il est bien évident que les remous dont les bouchers se sont rendus responsables à plusieurs reprises, donc je rappelle la révolte des Maillotins en 1382, la révolte cabochienne en 1413, suscitent aussi l'inquiétude des autorités d'avoir une population urbaine révolutionnaire menée par ces hommes à la fois de pouvoir et que l'on accuse, à tort ou à raison, d'être très violent. Cet argument esthétique demeure néanmoins premier. En tout cas, il est affiché en tant que tel et il n'est pas entièrement creux. J'ai le goût de vous lire le préambule de l'ordonnance royale qui annonce la destruction de la Grande Boucherie en mai 46. On y lit « Comme de tout temps, nous avons eu notre cœur et pensée à la décoration et police de notre bonne ville de Paris, capitale de notre royaume, afin qu'elle pût être tenue et gardée belle, spacieuse, plaisante et nette de toutes ordures, infections et immondices, nuisibles à corps humain, au plus que faire se pourrait, autant que l'on peut faire, n'est-ce pas ? Et il soit ainsi que devant notre Châtelet de Paris, qui est une des plus notables et communes places de notre dite bonne ville, vous l'évoquiez tout à l'heure, Benoît Descamps, et en laquelle est le siège ordinaire de notre justice, est assise la boucherie, laquelle empêche, moult, beaucoup, la décoration d'Icelle, notre ville. Le paradoxe, c'est que ce qui va être détruit, ce n'est pas forcément l'élément le plus polluant. Je vous ai dit tout à l'heure, il y avait la halle où l'on vend, et puis en arrière, et donnant sur la Seine, ce quartier de l'écorcherie qui était sans doute le quartier le plus nauséabond et le plus pollué. Et le quartier de l'écorcherie, on n'y touche pas. On détruit en revanche la halle parce que dans le fond, il s'agit surtout de détruire ce qui, symboliquement, dans la ville de Paris, manifeste le plus la puissance des bouchers. Affirmation esthétique, réalité politique. Tout à fait. Les bouchers auront le dernier mot puisque finalement, en 1418, quand les bourguignons reviennent dans la ville, au pouvoir, ils font, dès l'année suivante, reconstruire une halle plus belle, plus grande, et qui demeurera jusqu'au début du XIXe siècle, un monument dans ce centre de Paris, un repère sur tous les débuts de la cartographie parisienne. Eh bien, je suis sûr que tous les bouchers et toutes les bouchères, il y en a maintenant, qui écoutent Concordance des temps, seront heureux que, pour finir, nous ayons évoqué cette permanence contre tous ceux qui ont cherché à nuire à cette belle profession. Merci beaucoup, Benoît Descamps. Nous avons cité le livre de Michel Pastoureau, « Le roi tué par un cochon », qui est paru l'année dernière, en 2015, au Seuil. Mm-hmm. Pour ce qui vous concerne, vous avez déjà donné plusieurs articles importants, je n'en cite que deux, les autres seront naturellement relevés sur notre site, le site de Concordance des temps. J'évoquerai « Fenêtre sur abattoir », paru dans la revue Histoire urbaine en 2009, c'est le numéro 24. Et puis un autre article également intéressant que vous avez intitulé « Chair loyale », chair c'est H-A-I-R-S, oui. « Chair loyale et déloyale, les animaux et les hommes dans les règlements de boucherie à la fin du Moyen-Âge ». C'est une contribution au livre de Fabrice Terrandi et Russakoff, paru en 2014, « L'humain et l'animal dans la France médiévale du XIIe au XVe siècle ». Vous avez également fait fond sur le livre, c'est un livre ancien, de temps en temps il faut rendre hommage aux auteurs du XIXe siècle, au livre d'Alfred Coville, « L'ordonnance cabochienne, 26-27 mai 1413 », paru en 1891. Eh bien voilà, nous quittons les bouchers. Vous pourrez trouver une bibliographie complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés et vous pourrez écouter, réécouter et télécharger cette émission. Samedi prochain, j'ai eu le goût de me tourner vers Zola pour considérer comment il traite de l'évolution du capitalisme dans ses grands livres, L'argent, la curée, des dernières années du XIXe siècle. Parce qu'il m'a semblé que l'actualité n'en était pas absente. Et je vais pour cela inviter un excellent spécialiste de Zola, je veux dire Alain Pagès. Eh bien, c'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur, avec Jeanne Guéroux, une émission réalisée par Patrick Molinier. Alain Joubert était à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque. Et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, nous avons fait fond sur le concours de Sandra Escamez. Et dans quelques instants, voici Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.